Chapitre 231. Le mérite d'offrir au jeûneur de quoi rompre son jeûne. Le mérite du jeûneur qui invite les gens à manger et l'invocation des invités à un repas en faveur de leur hôte. 1265. D'après Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui offre au jeûneur de quoi rompre son jeûne obtient une récompense identique à celle du jeûneur, et ceci sans rien enlever à la récompense de ce dernier. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 1266. Umara al-Ansariya, radiallahu anha, relate que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui rendit un jour visite et qu'elle lui présenta à manger. Il lui proposa de manger avec lui, mais elle répondit qu'elle jeûnait. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors: les anges prient sur celui qui jeûne et chez qui des gens viennent manger, et ceci jusqu'à ce que ces derniers aient terminé leur repas, ou aient été rassasiés. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 1267. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam rendit visite à Sa'd ibn Ubadah radiallahu anhu, qui lui présenta du pain et de l'huile. Le prophète alayhi salatu wassalam mangea puis dit: que les jeûneurs rompent leur jeûne chez vous, que les pieux mangent de votre repas et que les anges implorent le pardon d'Allah en votre faveur. Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques.